Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérach.